peu de romantisme dans ce monde de brut. Marion ici-bas trouve le monde hostile. Elle passe son temps à rêver à des choses bien futiles. Un prince sur son cheval qui viendrait l'emmener pour une partie à Versailles. Je trouve la Marion gonflée. Si c'est une question de lieu ou encore d'équitation, moi je veux bien l'emmener sur mon vélo jusqu'à Melon. J'ai un nid bien douillé, chauffé tranquille avec ma place sur le sol dans la cave. Marion, je t'aime, pourquoi tu ne me vois pas? Marion, tu m'énerves, tu m'ignores comme ça. Mais Marion ne veut pas, elle veut du romantisme, des poèmes et des fleurs, des chocolats et puis Venise. Vacances au bord de mer avec villa et piscine, se faire tirer à Saint-Tropez, ça tout de suite un peu de style. Je peux lui en offrir, moi, des coups de soleil, un coup de barre dans la gueule, c'est du pareil au même. Y'a pas besoin de claquer autant de pognon pour des vacances à la con. En outre, moi, je suis bien melon. Marion, je t'aime, pourquoi tu ne me crois pas? Marion, tu m'énerves. À Marion, je l'ai présenté à mes frères et puis à mon daron. Ils l'ont tout de suite aimé et pour le prouver, ont voulu la violer. Marion n'a pas apprécié. Si c'est pour une question de principe, je veux bien le croire. Mais bon, tu fermes les yeux et puis tu fais ça dans le noir. Il faut pas déconner, mon père n'est pas si vieux. Et puis mes trois frangins, ils sont montés comme des dieux. Marion, pourquoi tu me vois pas? Marion, tu m'énerves à m'ignorer comme ça. Marion, elle m'a quitté comme ça un beau matin, en me traitant d'enculé, alors je lui ai collé un pain. Elle a déposé plainte pour mauvais traitement. Je ne comprends pas les femmes, je l'aimais pourtant. Je suis en prison, ouais, j'en ai pris pour 6 mois. Et pour revoir Marion, j'ai demandé une permission qui m'a été accordée. Et que je sors de là, je m'en vais lui expliquer à Marion le coup du savon. Marion, je t'aime, pourquoi tu me crois pas? Marion, Marion ici-bas trouve le monde hostile. Elle passe son temps à rêver à des choses bien futiles. Un prince sur son cheval qui viendrait l'emmener pour partout à Versailles. Finalement Marion a du nez. Marion, je t'aime, pourquoi tu ne m'as pas cru? Marion, j'espère qu'un autre te portera le cul.